L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La galaxie d'Andromède, M31, est la grande galaxie spirale la plus proche de notre Voie lactée, située à 2,5 millions d'années-lumière. Sa proximité et sa grande similarité avec notre galaxie en font un laboratoire très intéressant pour les astrophysiciens qui peuvent l'étudier comme étant notre galaxie vue de l'extérieur. Malgré qu'elle ait été intensivement étudiée dans de nombreuses longueurs d'onde depuis des décennies, il manquait encore à l'appel dans M31 une classe d'objets, les pulsars. Et c'est désormais chose faite. Les pulsars sont ces étoiles à neutrons, résidus d'explosions d'étoiles, qui tournent sur elles-mêmes à grande vitesse, montrant de fait une pulsation de rayonnement radio caractéristique. Et certains de ces pulsars se trouvent dans un système binaire avec une étoile compagne dont ils absorbent de la matière. Une telle accrétion de matière, à l'image de ce qui se produit avec un trou noir mais à une échelle plus réduite, produit une intense émission de rayons X. On parle alors de pulsars binaires X. De tels pulsars sont légion au sein de notre galaxie, mais n'avaient jamais été observés jusqu'à aujourd'hui dans Andromède. Paolo Esposito, de l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica à Milan, et ses collaborateurs ont fouillé dans les archives des données du télescope spatial européen XMM Newton et ont trouvé ce signal caractéristique d'un pulsar dans la galaxie d'Andromède. La source X est nommée 3XMM J004301.4+41-3017 ou 3XJ0043 pour faire court. Le pulsar fait un tour sur lui-même en 1,2 secondes et la période orbitale du couple est de 1,3 jours. En cherchant à détecter un signal périodique parmi les sources X les plus brillantes d'Andromède, les chercheurs italiens n'étaient pas du tout sûrs de pouvoir en trouver un si facilement, comme cela avait été le cas dans les années 70 pour notre propre galaxie. Paolo Esposito et son équipe ont fouillé les archives de XMM Newton engrangées entre 2000 et 2013, grâce à la mise en place du projet européen EXTRAS pour Exploring the X-ray Transient and Variable Sky. Et ils ont finalement trouvé 3XJ0043 qui avait été enregistré à 35 reprises durant la période et sur lequel les astrophysiciens ont pu déterminer la pulsation du signal ainsi que sa période orbitale au sein de son couple. La nature exacte de ce pulsar, qui se situe dans un bras externe de M31, très probablement au sein d'un amas globulaire, est encore incertaine. Il peut être ce que les chercheurs appellent un pulsar binaire X spécial de faible masse, dont l'étoile compagne de l'étoile à neutrons est une étoile moins massive que le Soleil, ou bien un pulsar binaire de masse intermédiaire, où l'étoile compagne a une masse environ double de celle du Soleil. Des observations complémentaires vont être nécessaires pour mieux cerner ce premier pulsar X de Andromède et bien sûr en dénicher de nombreux autres. L'article de Paolo Esposito et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society numéro 457 en date du 21 mars 2016. Il s'intitule EXTRAS Discovery of an 1.2 second X-ray pulsar in M31. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur iTunes, sur podcloud.fr et sur YouTube. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !